La lame que t'as dans la poche pour écorcher les nazes. La saturation, le larcène qui fait exploser tes barres. J'suis le bim du bam, la bim bam, cette corse c'est la rage. J'ai un appétit d'ocre, mandant qu'à technique. On taffe jour et nuit, j't'assure que rares sont les petites bosses. Ces titres, mon journal intime, ce morceau en elle est dito. J'ai le stylo en guise d'armée autour de moi, peu de niveau. J'en pète tout, j'vais pas faire mon défaitiste ni faire du bénéfice, mais torcher le beat pour que les têtes bougent. Appelez l'équipe, c'est vrai qu'on est peut-être fou. On a cramé les pics une fois de plus en mettant cette touche. Rien à taper d'être aussi proche du style. C'est mon productif, les chromes suffisent. Fais en sorte de jamais franchir le seuil de la porte du crime. Parfois trop futile, j'pousse certains en suicide. Là le retour du sac torse, on est loin des bad boys. J'frappe fort parce que certains disent qu'ils ont vu le rap mort. J'viens vider mon sac, exploser les tracks comme une machine aiguisée. Vos armes, j'arrive avec ma bande de sales gosses. Rangez vos magnums, t'es pas un black album, encore moins un clash. Mais un coup de blues car mon pic est mon sale. Alors j'laisse crier l'audace, à chaque strophe, riez vos âmes. Calme, si venir en pays, non pour briser vos pattes. En attendant, j'vide mes cartouches d'encre. Du haut de ma tour blanche, dans mon tourment, à faire valser les beats et les pros dans tout genre. Si notre art touche tant de personnes, c'est que l'on passe tous temps gratter le papillon. On se fout de percevoir nos 30%. Constamment sur les nerfs, on rappe les ténèbres. Va donc dire au monde entier que c'est ta défaite que ma plume s'élève. Baiser la rue, je n'ai gardé des cicatrices sur les lèvres. Et si les maîtres ont déserté, c'est qu'au tour y'a vraiment plus d'élèves. Dans le retour du fennec, moi aussi je veux niquer le bénèf. Maîtriser les lettres, faire briller les têtes et plier ses mecs. Arrêtez de me filer les miettes, je veux juste voir défiler les miens dans le décor. Et de cette façon, je pourrais ainsi dessiner mes craintes. T'as dit que je n'avais pas d'équipe, mandant qu'à la salle élite. On s'est forgé à chaque périple de CM si pathétique. Ceux qui n'ont pas d'éthique, j'ai tout mis dans mon sac fétiche. Et aujourd'hui, je dépale le tout pour exposer ma rigueur par ses lignes. En attendant, prends ces quelques titres en guise d'offrande. 2009, Toulouse, Bim Bam Prod.